Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. Gens d'ici ou viennent d'ailleurs. C'est la flamme qui m'enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le rouleau sans la. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec les boulons sans lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais.